Parfait. Je recommence. C'est pas. Dans notre nouvelle définition, hein, on a fait un document, se définir pour mieux servir. Dans notre nouvelle définition, nous disons que nous sommes une église d'héritage protestant. Oui, d'arrière-plan protestant. On va voir ce matin si vous êtes de vrais protestants. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah, voilà. C'est dans la tradition protestante, le dimanche matin de Pâques, le pasteur dit, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah, mais vous n'êtes pas convaincus. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous passez pas le test. Vous passez pas le test. Encore une fois. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous n'êtes pas dedans. Dites le Christ est ressuscité, moi je vais répondre. OK. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité! Yeah. Êtes-vous capable de faire ça? Oui, on est capable. OK. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Yeah. OK. Là, je suis convaincu. Ce matin, on a lu le texte de Jean 20 sur la résurrection. Il fallait bien lire un texte qui relate le récit de la résurrection de Christ. Je crois que ce n'est pas vraiment le texte sur lequel on va s'attarder ce matin, mais plutôt un autre aussi qui va de pair, puisqu'on parle de la résurrection. On va s'attarder sur le texte de Jérémie, chapitre 29, verset 11, en lien avec Pâques. Lorsque Dieu, par la bouche de Jérémie, va dire, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espoir. » Fait que ce matin, on ne s'attendra pas aux considérations théologiques de la résurrection. On ne fera pas une exégèse des récits de la résurrection. L'année dernière, d'ailleurs, Glenn avait fait un bon exercice dans ce sens-là. Je ne suis pas capable de faire mieux que Glenn en exégèse. Mais ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt tirer une leçon sommaire de Pâques. Pâques, le retour de Christ à la vie. Juste tirer une leçon sommaire. Puis je vais vous demander tantôt, quelle est la leçon sommaire, hein, somme tout là, hein, c'est ça veut dire sommaire, somme tout là, en résumé. Quand vous pensez résurrection de Christ, à quoi vous pensez? Un mot seulement. Je vais vous demander tantôt. Il y a quelques années, j'allais chez une amie. Et puis, elle avait sur son frigidaire, comme bien des gens ont sur leur frigidaire, des bédules là, aimantées. Hein? J'en ai une coupe chez moi. Hein? Mais là, elle en avait un qui a attiré mon attention parce que c'était marqué dessus. Réveillez-moi pour le week-end. Réveillez-moi pour le week-end. Parce que c'était une femme qui vivait pour le week-end. Hein? Vous connaissez des gens de même? Qui vivent pour le week-end? Moi, j'en ai connu. J'en ai connu plusieurs. Je pense à quelqu'un, deux personnes entre autres. Une jeune fille et un jeune homme aussi. Et puis pour eux autres, le week-end commençait le vendredi soir, hein? La discothèque, disco. Juste au samedi soir, enfin, dimanche matin, de bonne heure. Et puis là, dimanche, ça dormait. Hein? Mais c'est des gens qui vivent pour le week-end. La semaine, là, ça, si la semaine peut passer, puis, hein, enfin, vraiment, la devise, réveille-moi pour le week-end. Ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi, je travaille le week-end. Hein? Je suis en train de travailler ce matin. Je travaille. Alors, je ne vis pas pour le week-end. Ce n'est pas mon cas. On pourrait dire que le week-end, c'est en sorte... Ce matin on va parler un peu de quelque chose qui s'est passé dans le week-end. Ça va être le propos. Le week-end va être le propos de notre entretien de ce matin. Parce que d'une certaine façon, on pourrait dire que la foi chrétienne, notre foi chrétienne, repose sur les événements d'un week-end. Un dictionnaire biblique dit ceci à propos de la résurrection. Que Jésus-Christ est mort et par la suite est ressuscité d'entre les morts est la doctrine centrale de la théologie chrétienne et le facteur majeur dans une défense de ses enseignements. C'était vrai dans les premières années de l'Église et demeure vrai aujourd'hui. Pour citer Paul qui va dire « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Ou d'autres traductions vont dire « Et votre foi est vaine. » Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Parce que le propos de l'Église chrétienne, de la foi, de la chrétienté, repose sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, il y a différentes considérations par rapport à la résurrection, puis c'est pourquoi qu'on ne rentre pas là-dedans ce matin. On ne rentre pas dans les considérations théologiques, puis comme le comment, puis le pourquoi, OK? Parce que c'est ça, on ne s'en sortira pas dans une heure. Par contre, il y a une leçon qu'on va vouloir retenir de la résurrection. Il y a un prédicateur américain que j'aime bien, que probablement certains connaissent, si je dis son nom, vous allez probablement dire oui, je le connais, j'en ai entendu parler, j'ai lu ses livres. Moi, je l'appelle l'humoriste, le prédicateur humoriste américain, Tony Campolo. Il y en a qui connaissent Tony Campolo? Parce que c'est mon favori, là. Parce que Tony, il a monté sur scène pour ouvrir la bouche, puis vous riez déjà. Tu comprends? Parce que c'est vraiment un prédicateur très, très drôle, puis il a le don de rendre le message de l'Évangile humoristique. Et puis, c'est lui qui dit un jour, il a dit, j'ai fait rire comme ça, je peux plus facilement rentrer mon poing dans la bouche. Dans ce sens que tu rentres une vérité en faisant rire des gens. Tony Campolo, donc un prédicateur américain, et puis qui est de renommée internationale d'ailleurs, il raconte que dans son église, il fréquente une église afro-américaine. Vous avez déjà, quelqu'un déjà allé dans une église afro-américaine aux États-Unis? Hein? Ça bouge. Ça bouge. Ça n'a aucun rapport avec les églises africaines ou les églises haïtiennes. Les églises afro-américaines, c'est très spécial. Je suis allé une couple de fois, OK? Et j'ai entendu des prédicateurs afro-américains prêcher, hein? Je veux dire, ça déménage, OK? Ça déménage. Tony fréquente une église afro-américaine. Il raconte qu'à tous les ans, ils tiennent un marathon de prédication, un genre de prédicaton. C'est-à-dire qu'il y a 5, 6, peut-être même 10, ça dépend, prédicateurs qui vont prêcher un après l'autre. Ça peut durer 8 heures, ça peut durer 10 heures, ça dépend de la durée de message. Hein? Parce que les pasteurs afro-américains sont reconnus pour prêcher longtemps, une heure et demie. Et puis, mais c'est très intéressant, très intéressant. On peut les entendre déjà. Alors, il raconte ce fait qu'ils ont ce marathon de prédication une fois par année. Donc, une année, il est invité à participer à ce marathon de prédicateurs. Alors, il raconte comment que, il était vraiment fier de sa performance. Hein? Je sais, c'est un anglicisme, mais hein? Bon. Il était content de la façon, de sa prestation, de la façon qu'il avait performé. Et puis, les gens, les diacres disaient, « Preach it, preach it! » Et puis, les hommes dans la congrégation disaient, « Go on, keep on, keep on! » Puis, Tony Campolo dit, « Moi, ça m'allume, ça. Hein? Ça m'allume. » Le temps que les gens disent ça, « Preach it, pastor, preach it! Hein? » Il devient tout, Fait que, après avoir terminé sa prestation, il retourne à son siège, sur la tribune. Vous avez vu les grandes églises américaines, là, le stage. Il retourne à son siège. Et puis, son pasteur, le pasteur de cette église, son pasteur lui donne une tape sur le genou, puis lui dit, « Tu as bien fait ça, mon homme. Tu as bien fait ça. C'est bon. » Et puis, donc, Tony se retourne vers lui, puis lui dit, « Est-ce que tu es capable de me battre? » Parce que Tony va dire, « Bon, même si c'est un marathon de prédicateurs, personne n'oserait dire que c'est un concours. Mais en réalité, la rivalité est là. Qui va prêcher le mieux? Hein? Qui va soulever la foule? Hein? » Est-ce que la foule va le mieux répondre au prédicateur? Fait que Tony dit, es-tu capable de me battre? Puis là, Tony, il raconte, parce que je cite Tony. Alors, Tony lui a répondu, tu es le prochain pasteur, peux-tu battre ça? Son vieux pasteur afro-américain a souri, il lui a répondu, fiston, assis-toi, relax, parce que le vieux va te faire la leçon. En anglais, « Son, sit back, because the old man is going to do you in. » Tony ne pensait pas que le pasteur pouvait faire mieux que lui, parce qu'il avait vraiment soulevé la foule, puis les gens étaient dedans. Mais, à sa grande surprise, pendant une heure et demie, le vieux pasteur a galvanisé l'auditoire. Le pire, dit Tony, c'est que le pasteur l'a surclassé avec une simple phrase qu'il répétait constamment. Une phrase qu'il a constamment répétée pendant une heure et demie. On est vendredi, c'est seulement vendredi, dimanche s'en vient. Es-tu folle? On est folle. But sans destin. Sans destin. Au début, dit Tony, ça avait l'air de rien. Le vieux prédicateur a commencé doucement. Il parlait très mort. Il dit, c'est vendredi. Mais dimanche, j'en viens. Papa. C'est vendredi. Dimanche, j'en viens. Et graduellement, donc, il augmente le volume, l'intensité de sa voix, juste à ce que la congrégation entière soit complètement subjuguée et impliquée dans le sermon. Tony raconte que le sermon ressemblait un peu comme ceci. C'est vendredi. Marie, la mère de Jésus, pleure toutes les larmes de son corps. C'est son fils, là, sur la croix. Il meurt d'une mort agonisante, crucifié comme un criminel. Mais c'est seulement vendredi. Dimanche, j'en viens. Je n'essaie pas d'imiter ni Tony. Je n'essaierai même pas d'imiter Tony. Encore moins un pasteur afro-américain. Le prédicateur continue. Les apôtres étaient vraiment abattus, découragés. Jésus, leur leader, était en train de se faire tuer par des hommes méchants. Mais c'était seulement vendredi. Dimanche, j'en viens. Le diable a pensé qu'il avait gagné. Tu pensais pouvoir me rouler, a-t-il dit. Mais je t'ai maintenant. Hein? J'utiliserai pas une autre expression populaire. Vous y pensez. Je te tiens maintenant. Mais c'était seulement vendredi. Dimanche, j'en viens. Le prédicateur a continué comme ça pendant 30, 40 minutes, une heure et demie. Puis au bout de chaque phrase qu'il disait, c'est vendredi. La foule a commencé à répondre, mais dimanche s'en vient. Une heure et demie plus tard, on va voir si vous catchez. Hein, en anglicisme? On va se toucher. Hein? All right. C'est vendredi. Et le mal a triomphé du bien. Jésus se meurt là sur la croix. Le monde est mis sens dessus-dessous. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Bon, on est seulement vendredi. Dimanche, j'en viens pas vite. Il va falloir un petit peu plus de... C'est vendredi. Mais dimanche, j'en viens. Marie-Madeleine était dans tous ses états par le chagrin. Son Seigneur se faisait tuer. Jésus avait transformé sa vie. Maintenant, il était mort. C'est seulement vendredi. Arrêtez un petit peu plus de... La congrégation était survoltée. Pendant une heure et demie, vendredi, vendredi! Vendredi! Yes! Les sœurs et les frères souffrent. Ce n'est pas juste. La souffrance qu'ils doivent endurer. Mais c'est seulement vendredi. Tony raconte, au bout d'une heure trente, il était épuisé. Épuisé. Parce que l'auditoire t'a survolté. Les gens étaient debout. Dimanche, oh bien! Mais Tony dit, j'ai jamais entendu un sermon aussi puissant, émouvant, personnel. D'ailleurs, on va mettre sur le blog de la communauté le vidéo de Tony. C'est en anglais, évidemment. Hein? Moi, j'ai traduit, là. C'est en anglais. C'est vendredi. De quoi ça vous parle? Pourquoi que c'est vendredi, mais dimanche s'en vient? Quelle est la leçon sommaire de la résurrection de Christ? De quoi nous parle la résurrection de Jésus? Sommairement, un mot pour vous. L'espoir. Victoire? L'espoir? L'espérance? On a lu dans Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Pour moi, tant je pense Pâques, tant je pense résurrection, nonobstant la théologie puis toutes les pourquoi, comment, la leçon que je retiens, c'est l'espérance. Parce que Christ est ressuscité, je peux espérer. Il y a l'espérance. Le projet de Dieu, enfin, on dit souvent, hein, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. J'espérais ça hier pour les Canadiens. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. All right? Est-ce qu'on pourrait... Oui, il y a toujours d'espoir. Même pour le Canadien. Je ne sais plus. Dimanche, on revient. Oui. Le projet de Dieu pour nous, parce que Jérémie, hein, Dieu dit ça par Jérémie, j'ai des projets pour vous, là. Ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de bonheur. Pour vous assurer un avenir d'espérance. Le projet de Dieu n'est pas la désolation, mais la restauration de toutes choses. Dieu a des projets de bonheur pour le monde, mais Dieu a des projets de bonheur aussi pour vos vies, pour nos vies. Cette semaine, je pense que c'est mardi, d'ailleurs je voulais envoyer un email, puis j'étais occupé, mais Heidi, hein, qui fréquente cette communauté, Heidi et Fred, mais le grand-père de Heidi est décédé, mardi ou mercredi. Et les funérailles avaient lieu vendredi saint. Donc, j'ai passé la journée à Granby avec aux funérailles et la famille. Et ce grand-père, là ce que je parle, là ce que je dis que Dieu a des projets pour nous, d'espérance, on peut espérer. Des projets, non pas de désolation, mais de restauration, de prospérité pour nous. Pour le monde, pour la création. Le monde, c'est mon avis à moi, là, le monde ne finira pas par un fiasco. Dieu n'a pas créé le monde pour un fiasco. Ça va être la restauration de toutes choses. De même pour nos vies. Puis là, quand je pensais à ça, que Dieu a aussi des projets de bonheur pour nos vies personnelles. Je pensais à Camille Poulin, le grand-père de Heidi. Et puis, je tenais un petit peu le parcours de sa vie. Un homme qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Mais les enfants, c'est bien si les petits-enfants, vendredi, témoignaient de ça lors des funérailles. Parce que c'était un chrétien engagé dans sa foi. Et puis quelqu'un de très connu, un homme d'affaires qui a très bien réussi à Granby. Et puis, donc très connu de la ville. Et puis, donc la famille témoignait de la foi de leur père et de leur grand-père. Puis la chose qui ressortait, c'était un homme qui avait une foi et une confiance en Dieu. Et qui a marqué les petits-enfants, que peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, si tu as foi, si tu as confiance en Dieu, tu vas t'en sortir. Il va y avoir une solution, quelque chose va se passer. Une vie d'épreuve et de foi, de confiance en Dieu. Ça, c'est le témoignage que les enfants rendaient de la vie de leur père et de leur grand-père. Václav Havel, hein, un poète de la Tchécoslovaquie, qui a été président d'ailleurs de la République fédérale tchèque, et puis ensuite pendant plusieurs années, après le renversement de communisme. Voici ce qu'il dit par rapport à l'espérance. L'espérance n'est définitivement pas la même chose que l'optimisme. Ce n'est certainement pas la conviction que quelque chose va tourner pour le mieux. Ça, c'est l'optimisme. Hein? Ça va aller mieux. Hein? On est optimiste, ça va aller mieux. L'espérance, ce n'est pas de l'optimisme. Ce n'est pas d'espérer que quelque chose va aller mieux. Ou va tourner pour le mieux. Mais, dit-il, c'est la certitude qu'il y a un sens, peu importe comment les choses tournent. Ta vie a un sens. Le monde, la création a un sens. Notre vie a un sens. Dieu donne un sens à notre vie. Et la résurrection de Christ nous donne l'espérance dans ce sens que Dieu donne à notre vie. Moi, j'aime bien, je cite Jean Tellul souvent. Mais il y a entre autres une citation que je fais souvent de lui et que je me répète, que j'aime réfléchir à ce qu'il dit. Lorsqu'il va dire, « Parce que Dieu a choisi d'aimer ce monde où nous vivons, Alors, il nous faut rester ouverts à toute espérance, à toute solution, être attentif à toute invention qui pourrait apporter, en effet, un changement positif. Parce que Dieu. Et à quelque part, j'ai essayé de trouver dans mes notes, il me semble avoir là quelque part que Barthes aurait dit quelque chose de semblable, que parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si ce n'est pas Barthes qui l'a dit, c'est moi qui le dis, parce que Dieu a ressuscité contre toute attente. Le diable pensait avoir vaincu. Les forces du mal pensaient avoir vaincu. Contre toute attente, Dieu ressuscite Jésus-Christ. Et parce que Dieu, en Jésus-Christ, a aimé le monde, et parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, nous devons rester ouverts à toute solution. Que Dieu, hein? Dieu a des trucs dans sa poche. Hein? Il y a des choses qu'on n'a pas vues encore, que Dieu a en réserve pour nous. Dans son dernier livre, Jacques Grandmaison, son dernier livre de tel, j'en ai un peu parlé déjà, là. Jacques Grandmaison parle de la foi en la résurrection qui marque la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la justice sur l'injustice, de l'espérance sur la désespérance actuelle de tous hommes. J'aimerais citer trois paragraphes de Jacques Grandmaison. Jacques commence par parler du regard positif que Dieu a sur nous. Combien de fois, hein, dans la religion, dans l'Église évangélique aussi, on a plutôt entendu parler du regard négatif. Dans combien d'Églises, les gens vont le dimanche matin pour se faire dire qu'ils sont pas assez bons, ils sont pas assez smart, ils sont pas assez beaux, ils sont pas assez gentils, tatata. Jacques Grandmaison nous parle du regard positif que Dieu jette sur nous. Dieu nous regarde et il nous aime. Ce regard positif de Dieu sur le monde propose aux croyants une relecture de leur source chrétienne pour surmonter la tentation de retomber sans cesse dans une vision pessimiste du monde et de l'humanité. Même ceux qui vivent l'option évangélique pour les pauvres projettent trop souvent un regard misérabiliste sur eux, ce qui n'aide pas ces derniers à avoir un sentiment de dignité et à se prendre en main comme acteur premier de leur libération. Cela est crucial pour ceux qui n'ont que leur humanité à mettre dans la balance. Ils sont le test de vérité de la société et aussi de la religion. Mais le regard positif de Dieu sur le monde est aussi porteur d'une autre conviction. En Jésus-Christ, la bonté, en Jésus-Christ, la bonté est plus profonde que le mal. Écoutons bien ce qu'il dit, parce que je vais en venir un petit peu plus tard au mal. Puis on a besoin de croire à la bonté qui va vaincre le mal. En Jésus-Christ, la bonté est plus profonde que le mal, et dans l'Évangile, il y a le souci de libérer le fond de bonté que Dieu a planté dans l'âme humaine. La conviction que Dieu a plantée dans le cœur de l'homme, la bonté, puis que le bon va prévaloir. Il va dire donc, loin de moi la négation du mal et des malheurs du monde, ni des responsabilités de lutter contre l'injustice, mais il n'en reste pas moins la nécessité pour les chrétiens de le faire avec un amour profond de l'être humain et leur foi en la résurrection qui marque la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la justice sur l'injustice, de l'espérance sur les désespérances actuelles de tous hommes. Je termine avec 12 histoires. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne était en ruine, et puis le chancelier allemand, Konrad Adenauer, avait demandé à rencontrer Billy Graham. Hein? On connaît Billy Graham? Le plus jeune peut-être, mais... Donc, le chancelier qui avait été nommé hein, par les alliés pour gouverner l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest. Donc, il demande à rencontrer Billy Graham. En ce moment-là, Billy Graham était encore un jeune évangéliste, puis il se sentait plutôt nerveux d'avoir à rencontrer un chancelier, un peu comme un président d'un État. Et puis, Billy Graham a accepté cette invitation, et puis s'est rendu au bureau de Conrad Adenauer. À un moment donné, durant la conversation, le chancelier Adenauer a posé une question à Billy Graham. C'est un homme d'État, là. L'Europe, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les atrocités, 6 millions, 8 millions de Juifs, combien de millions d'autres avec Staline, hein? Il pose la question, « Monsieur Graham, croyez-vous à la résurrection de Jésus-Christ? » Ben, Graham fut étonné par la question, puis il a répondu, « Si je ne croyais pas à la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas un évangéliste. » Billy Graham raconte que le chancelier Adenauer s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre de son bureau qui surplombait les débris et la désolation de la ville de Cologne et a dit, en dehors de la résurrection de Christ, je ne connais pas d'autre espoir pour l'humanité. En dehors de la résurrection de Christ, je ne connais pas d'autre espoir. Pour l'humanité. Pourquoi parler? Pourquoi est-ce que la résurrection de Christ est une espérance? Entre ces deux histoires, j'intercale une lecture que j'ai faite pendant mon séjour en République dominicaine. Un livre assez troublant. Quelqu'un m'a prêté, m'a dit genre, bonne lecture pour toi en vacances. Enfin, semi-vacances, on s'entend. Et puis, Denis Morissette. Nous étions invincibles. Et puis, c'est le témoignage d'un ex-commando de la 2e Force opérationnelle interarmée. C'est un peu le vis-à-vis de le Delta Force américain. Et puis, c'est un commando hein, qui est surtout utilisé pour s'infiltrer derrière les lignes ennemies et puis agir en secret, un peu à la Rambo, hein? Si vous avez, les temps que vous lisez ce livre-là, vous avez l'impression de rencontrer pas seulement un Rambo, mais 16 Rambo. Et puis, ils sont entraînés pour s'infiltrer derrière les lignes ennemies et puis pour tuer aussi. Il raconte donc, c'est un témoignage qu'il a vécu. Et le mal qui se trouve dans le monde. Je dois dire que c'était pas tellement une bonne lecture pour supposément des vacances. Parce que c'était une lecture plutôt bouleversante. Il raconte dedans ce qu'il a vécu derrière les lignes ennemies, pas seulement derrière les lignes ennemies, mais il a été aussi le garde du corps du général Roméo Dallaire pendant qu'il était au Rwanda. Enfin, il raconte un peu comme si lui aussi a vécu au Rwanda. Mais entre autres, je vais vous dire le pire. À un moment donné, pendant qu'ils étaient en Serbie et qu'ils accompagnaient les unités des Nations Unies pour leur prêter main forte, parce qu'eux avaient le don de pouvoir s'infiltrer et ne pas être vus. De là, le titre, nous étions invincibles, puis invisibles aussi. Là. Il s'infiltre, puis ni vu ni connu, puis Et puis, ils étaient invités à participer aux forces des Nations Unies. À un moment donné, ils ont été invités à se joindre, à aller voir dans un village ce qui se passait, parce que le village, soudainement, était devenu calme, tranquille. C'est un signe de vie. Je vous raconte rapidement, tout simplement pour vous dire que le village en entier, d'environ 600 personnes, tous avaient été tués à l'arme blanche. Non seulement on les avait tués à l'arme blanche, mais on avait, entre autres, plusieurs personnes s'étaient réfugiées dans l'église, se croyant sains et saufs, et là on a massacré tout le monde à l'arme blanche, avec une balle de tirée, puis on a enlevé le Christ sur la croix, puis on a crucifié le curé à la place. Ils sont ensuite allés à l'hôpital pour... et là, on a trouvé des femmes clouées au mur. Il y avait trois étages. Au troisième étage, c'était la maternité. Et là, je vous dis, il va dire, même l'athée le plus endurci ne pourrait voir autre chose que l'œuvre du diable dans ce qui s'est passé dans cet hôpital. Je pensais au livre de Roméo Dallaire, « J'ai serré la main du diable ». Cet homme, un commando, mais qui en vient à voir quand même la foi en Dieu, là. Parce qu'il dit, même l'athée le plus endurci ne pourrait pas voir autre chose que la main du diable. L'œuvre du diable dans ce qui s'est passé. Et en ouvrant la porte, il donne sur l'étage, je sursaute violemment, je crois bien que je lâche un cri de refus. C'est des hommes durs, là, endurcis, là, des Rambo. Okay? Une femme est clouée sur le mur, son ventre ouvert, est toujours relié au cordon ombilical, son bébé gît sur le plancher à ses pieds. Ça, c'est un cas. Tout l'étage était comme ça. Toutes les femmes avaient été clouées au mur avec un grand clou dans la tête. Mais le pire qui nous attendait était à la pouponnière. Ce que nous découvrons ne se décrit pas. Et notre tête nous dit de ne pas y croire. Tous les bébés ont été découpés au poignard. Pas un seul n'a été oublié. Aucun miraculé qui pourrait nous redonner un peu d'espoir. Le mal. Ça m'amène à une autre histoire, à celle d'Eleanor Roosevelt, qui était l'épouse du président américain Franklin Roosevelt. Elle était une activiste sociale qui militait pour les droits des démunis et des groupes marginalisés. Alors qu'elle était déléguée américaine aux Nations Unies, elle s'est rendue en Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, de Joseph Tito. Maintenant, on entend parler de la Croatie, Sarajevo, la Serbie, tout ça. Mais auparavant, c'était la Yougoslavie qui avait été, par la force, unie ensemble sous le régime communiste. Donc, on rapporte une conversation que Eleanor Roosevelt avait eue avec Tito. Alors qu'elle lui faisait remarquer qu'elle était étonnée de l'étendue des réformes qu'il semblait avoir réussi dans sa vision de la Yougoslavie. Pas pire, c'est beau, les fermes, tout ça, c'était bien. Donc, elle lui fait remarquer qu'il a pas mal réussi, c'est bien. Et Tito, un communiste, aurait répondu ce qui suit. Aucun régime politique ne peut réussir aussi longtemps qu'on ne pourra extirper du cœur de l'homme l'égoïsme ou le mal. Une page que vous avez lue, un paragraphe. On pense au mal, au Rwanda, mais le mal aussi dans notre société. On pense au... Comment dire, on pense à l'égoïsme de notre société, le mal que nous-mêmes on peut vivre, qu'on peut subir. Aucun régime politique ne peut réussir aussi longtemps qu'on ne pourra extirper du cœur de l'homme l'égoïsme. C'est pourquoi nous avons besoin de Pâques. C'est pourquoi nous avons besoin de Pâques. Pas seulement Christ peut changer, faire un changement, opérer un changement dans le cœur des hommes. C'est un vendredi. On va dire comme Pierre a dit tantôt. C'est vendredi. On est dimanche. On est dimanche. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. C'est l'espérance. L'espérance. Moi, quand je pense Pâques, je pense espérance. L'espérance. Je suis ouvert à toute solution, à toute espérance, parce que Dieu a choisi, en Jésus-Christ, d'aimer le monde, puis de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. On va participer à la table du Seigneur, la Sainte-Sainte. J'ai lu un chapitre macabre. Parce que le mal fait partie de ce monde. Le mal fait partie du monde. Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut modifier? Comment que des gens peuvent agir de façon aussi atroce? Le mal. Le mal qui se trouve dans notre cœur aussi à nous. Jésus-Christ vient puis il change les choses. Il nous donne une autre vue, un autre point de vue. Il nous transforme, opère un changement. Il y a un groupe en Hongrie, à Budapest, en Hongrie. Et j'aime bien parce que l'Hongrie est un ancien pays communiste. Tu as connu, hein? La libération, la délivrance du joug communiste, du joug athée. Et puis, on a tous connu hein, la marche pour Jésus. Marche pour Jésus, on a eu pendant quelques années. L'année dernière, il y a une église. Finalement, ça a fait boule de neige, c'est devenu un grand, grand, grand ralliement. Où se sont réunis des milliers de chrétiens pour inaugurer ce qu'ils appellent la danse de la résurrection. Le jour de Pâques, c'est un jour pour fêter. Pour ça, on a mis des ballons. C'est pour fêter. Et eux, je vais vous montrer la vidéo, juste pour vous donner, hein, rentrer dans l'ambiance de la Sainte-Sainte de ce matin, qu'on va se réjouir ce matin. Qu'en prenant la table du Seigneur, on se réjouit parce que c'est l'espérance. L'espérance. Puis qu'on peut danser. Ces gens-là dansaient. Et puis, je pensais même, je me disais, hey, ce serait bien de faire ça à la place des festivals à Montréal. L'année prochaine. Oui. Qui veut lancer le projet? On va demander à Pierre Lebel de s'occuper de ça. Je vais lui lancer l'idée, hein? Parce que c'est lui qui avait eu l'idée des marches pour Jésus. Je vais lui lancer l'idée. Peut-être l'année prochaine, on sera à la place du festival en train de danser comme eux dansent.